بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديوي كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 53 لسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, on m'a donné, tiens, en fait, le mot, lorsqu'on a parlé dans le Ders al-Arba'in, 14e, 40e leçon, en ce qui concerne Rutuba fi Farj al-Mar'a. Rappel, et alhamdoulilah, il y a quelqu'un qui a écouté Ders, et qui a écouté mon appel, du fait que si quelqu'un connaît le terme employé en français, et on nous a envoyé un message en nous disant que ça s'appelle des leucorrhées. Dernier, ce sont des sécrétions vaginales. Leucorrhées, ça s'appelle. Des pertes blanches. Le terme leucorrhées, je ne connais pas. Sécrétion, ouais, non, c'est sûr, c'est des mots que je connais, mais je ne les aurais pas prononcés. c'est plus de mon jargon, tout ça. C'est des mots que je connais, mais c'est sûr que maintenant, il n'est plus dans mon répertoire. Depuis le temps qu'on est au Yémen, le français, à part entre nous, on l'entend pas. Donc, c'est sûr qu'il en a pris un coup. D'où la faiblesse des fois du vocabulaire. La compréhension, elle est là, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que alors, c'est pas comme si on entendait, on lisait des livres en français, on lisait des journaux en français, on écoutait les tours en français, tout le monde dans la rue parle en français, comme en France, non. Ici, c'est qu'entre nous, tout le reste, c'est que de l'arabe. Donc, il est certain qu'au bout d'un moment, ton vocabulaire, elle en prend un coup. T'as toujours tes bases, mais tu ne te rappelles pas des mots. C'est le moment. Si on te le dit, tu connais le mot. Et quand tu vas parler, tu vas pas le mot, il va pas sortir tout seul, comme ça. En arabe, tu vas l'avoir, tout ça, mais en français, tu auras un blocage. Surtout les termes techniques, comme ça. Bon, déjà, le courrier, même en français, je connaissais pas ce mot-là, donc. C'est vrai, mais par exemple, au lieu de dire, l'humidité qu'il y a dans le vagin de la femme, par exemple, ou des pertes, on peut dire pertes, des sécrétions, voilà, c'est plus soutenu. La salène. Sécrétion vaginale, c'est plus soutenu. Mais bon, ça revient au même, de toute façon, à la base. Pour preuve, la personne, elle m'a compris quand j'ai parlé. Comme on l'a dit, c'est le plus important. En tout cas, on la remercie de son aide. Tayyib. فقال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث العاشر بعد المئة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. Le courrier s'écrit L-E-U-C-O-2-R-H-E. Dis-moi comment on nous l'a écrit sur le... Ah, c'est pas détaché. Non, c'est ensemble, c'est ensemble. C'est pas le après courrier. C'est le courrier. L-E-U-C-O-2-R-H-E accent aigu E-S. D, le courrier. C'est comme également le stihada. Ils disent... Métro-Ragie, voilà. Métro-Ragie, c'est les stihada. C'est les pertes de sang. Ils appellent ça comme ça. Non. Fait nous voir le hadith, un Ali, قال, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رأوا الخمسة وهذا اللفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. والحديث ضعيف. Donc selon Ali, radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous faisait lire le Coran tant qu'il n'était pas junub, tant qu'il n'était pas en état de janaba. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة حكم قراءة القرآن للجنوب والحائض. Donc le fait de lire le Coran pour celui qui est junub ou la femme qui a ses menstrues. Al-Ha'id. Pourquoi on ne dit pas Al-Ha'ida? La Katemarbouta. Parce que Ha'id, il n'y a pas de masculin. C'est que pour les femmes. Donc pas besoin de mettre une marque de féminin. On dit Ha'id. Quelqu'un qui dit Ha'id, il va dire, mais c'est quoi le féminin? Il dit, mais à la base, il n'y a pas de masculin Ha'id. Il n'y a pas d'homme qui a des menstrues. Ça n'existe pas. Et c'est pareil pour Hamil. Dans le sens de, bien que Hamil peut avoir d'autres sens, pendant quelqu'un qui transporte quelque chose, on va l'appeler Hamil. Man yahmal hada fa huwa Hamil. Mais là, le fait d'être enceinte, Hamil, on ne dit pas hamila. On dit hamilun. Parce que là, on, dans ce sens-là, il n'y a que la femme qui peut l'être. Bien que les koufars essayent de faire en sorte de changer les choses, de faire un homme enceinte, on dit, bah, essayez. Ouais, ouais. Ah, on dit, essaye d'être un poisson, il va dans l'eau, son bouteille, là, il reste un quart d'heure. Vas-y. D'abord. Va dans l'eau. Hein, un mètre d'eau, reste la tête sous l'eau pendant un quart d'heure, s'il te plaît. Sans bouteille, sans rien du tout. Un quart d'heure. Si t'arrives à faire ça, on discutera pas d'une femme enceinte. Déjà, c'est un poisson. Tu veux voler, va de la montagne, saute. Sans parachute et sans rien du tout. Et atterris normal, en douceur. Essaye ça d'abord, en premier. Si vraiment tu veux changer la nature. Essaye de faire ça, c'est déjà plus à ta portée. Va en haut d'une montagne, prends-toi pour un oiseau et saute. Sans parachute, sans élastique et sans matelas en bas. Une belle montagne bien haute. Vas-y. Ou un immeuble. Vas-y. Et si tu arrives à atterrir et tu es intact, indemne, on en discutera d'autres choses. Un homme enceinte, vraiment. Mais ils ont voulu le faire. Ils ont voulu le faire. Ou ils sont en train d'essayer de le faire. Parce que ces gens-là, ils craignent par là, tu vois. Ils s'imaginent que, comme on est là par hasard, on peut tout changer au cours des choses. Dans le hadith, c'est venu que l'ange il vient. Yujma'u ahadukum khalqu fi batni ummi 40 yawma. Que l'un d'entre vous, sa conception se forme dans le ventre de sa mère 40 jours. On a dit de sa mère, on n'a pas dit de son père, mais de sa mère. Et l'ange il l'a envoyé par qui me le souffle de vie? Par Allah. Fayumaru bi 40 kalimat. L'ange étant donné de dire 4 choses. L'ange il obéit à qui? Allah, il n'obéit pas au Tabib Foulen. Donc l'ange, il va venir vers qui? Un homme ou une femme? Vers une femme qui sera enceinte. Donc un homme est enceinte, il pourrait avoir un ventre comme ça. L'ange, il ne va jamais venir, il n'aura jamais soufflé dans ton ventre pour donner le souffle de vie, c'est dans ton ventre. Donc ça ne sert à rien. Mais pour te dire, ces gens-là, ils n'ont pas de... Voilà, quoi. Donc on leur dit, bah, déjà, soit des poissons, des oiseaux, après on verra. Si vous y arrivez. Taïeb. Donc, il dit, ذَهَبَ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ إِلَى عَدَمْ جَوَازْ قِرَاتِ الْقُرْآنِ الْجُنُوبِ. Donc, la plupart des savants sont partis à dire qu'il n'est pas permis pour le junoub ou la ha'id, c'est-à-dire la femme qui est menstruée, ou même le nufasa, c'est les louchis, de lire le Coran. Et leur preuve, c'est le hadith, la cité. Et un autre hadith de Ibn Omar, chez Tirmidhi, Ibn Majah, أَنَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ صَلَّمْ قَالْ لا تقرأوا الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن. هو حديث ضعيف. يدي كلوت حديث dont qui prend comme preuve, c'est que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que la حائض, la femme qui est menstruée, et celui qui est junoub ne lisent rien du Coran. Et le hadith il est faible. Et il fut authentifié par contre que Omar déteste cela, voir cela makrouh. Et Ali Kazalik, qui l'a dit, que le junoub, la ou la ayah, que le junoub, il ne lit même pas un verset. Ça, c'est leur avis. Et d'autres ulama comme Malik, ils voient que cela est permis. Pour la femme qui a ses menstrues, car la durée, la période peut être longue, il n'y a pas oublié le Coran. Et d'autres comme Saïd et Moussaïeb, ils sont partis pour la permission, et cela fut également rapporté de Ibn Abbas de façon authentique, qu'il lisait le Coran alors qu'il était junoub. Et ça, c'est le choix de l'imam Bukhari, qui voit que c'est la permission. Et c'est quoi leur preuve? C'est le hadith de Aïcha. On l'a pris dans le bab Nawakid al-Wudu. Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquer Allah en toute situation. Et également, ce fut le col pour lequel penchait Shawkani. Et c'est la parole authentique que Cheikh Abdel Nizam y voit. Également, ça vient dans le Hajj, dans le Kitab al-Hajj, lorsque Aïcha tomba, il s'est menstrué pendant le Hajj, le Messie a dit il fallait que l'on fasse le Hajj, ghayl, elle a tatoufi bil bayt. C'est tout ce que le Hajj, le pèlerin, il fait. Hormis le fait de tourner le circuit rituel autour de la Kaaba. C'est sûr que c'est le Coran, tu vas en prononcer. Fahimt? Qala, قراءة القرآن المسألة قراءة القرآن المحدث حدثا أصغر la maintenant c'est le Coran pour celui qui est en état d'impureté mineure. Et donc il rapporte une parole de Nawawi qui dit qu'il y a ijma' des muslimouns que tu peux le faire. Bien que le meilleur est de faire l'ozo. Donc ça c'est la mas'ala et tu permets de lire le Coran ou pas lorsque tu es djunoub ou la femme qui est ha'id ou finifes dans ce logis. Et la vraie parole c'est que cela est permis. Que les seuls hadiths qu'ils ont pris pour l'interdire ne sont pas authentiques. قال الحديث الحادي عشر بعد المئة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. Donc dans le 111e hadith, selon Abi Sa'id al-Khudari, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si l'un d'entre vous a eu des rapports avec sa femme, vu qu'il veut continuer, alors qu'il fasse le dos. Entre les deux. D'accord ? Il a eu des rapports une première fois, d'après vous voudrez refaire. Qu'il fasse le dos. Rapporté par muslim. Le Hakim a apporté une version qui est marginale, al-Shadha, car cela. Renforce plus, active plus pour celui qui voudrait recommencer. Après, il dit Al-Masa'ilu al-Ahkamu al-Mustafalatun al-Hadithi. Mas'alatun. Hukmu al-Wudu liman arada an yu'awid al-Jima'a. Donc, le jugement par rapport au dos à celui qui voudrait avoir d'autres rapports après en avoir eu. Qui voudrait poursuivre. Donc, certains comme Zahiriya et d'autres voient qu'il est obligatoire de faire le dos en prenant ce hadith. Celui de apporté par musulman. Car pour eux, comme on dit, c'est que la règle, elle amme, il y a que t'as dit le wujub. Voyez, l'impératif, comme on dit, implique l'obligation. Et la plupart des savants voient que cela est recommandé. Et c'est quoi la chose qui sort du côté impératif? C'est la version apportée par, l'ajout plutôt apporté par al-Hakim. Fa'innahu anchat li al-Aoudi. Que cela est meilleur pour reprendre. Et Shokani, il dit également, parmi les choses qui démontrent que le wudu n'est pas obligatoire, c'est le hadith qu'on a déjà pris au début du livre. Innama umirtu bil wudu'i idha qumtu ila salati. Que le wudu n'a été obligatoire que si je veux accomplir la salat. En dehors de ça, le wudu n'est pas obligatoire. Taïeb. Donc, le shiridi. Donc, l'ajout de Al-Hakim, on a dit, il est faible. Quant au hadith, là, comme on le citait, que Shawkani l'a cité, apporté par Abu Daoud, le hadith d'Ibn Abbas. Et le hadith authentique, selon les conditions de Bukhari et de Muslim. Donc la parole la plus forte, c'est que cela est mustahab, de faire le dos et non pas obligatoire. Wallahu ta'ala alam. Après, il dit, mas'alatun mulhaqatun. Sujet attaché. Maintenant, c'est plus le dos, c'est le rusl. Beina al-jima'ain, enfin de faire le rousse pendant le rapport. Est-ce que c'est obligatoire ou pas après chaque rapport de faire le rousse? Il rapporte une parole de l'Hafiz dans le Fath qui dit que les savants sont unanimes que cela n'est pas obligatoire. Par contre, le Shir lui reprend en disant Qulto, amma istirbabu faqad qala al-azim abidi fi aoun al-ma'boud. La khilaf fi. Donc c'est une parole de Al-Azim Abidi qui dit qu'il n'y a aucune divergence quant au fait que cela est mustahab. De refaire le rousl entre les rapports. Naam. Et c'est d'autres adillah qui démontrent cela. Quand même, pour ne pas avoir à trop s'étaler sur la masala, dans son masala et wadiha. Naam. Donc cela est mustahab. Donc ça c'était par rapport au 111e hadith. Le fait de refaire le dos ou le rousl entre deux rapports. Que cela est mustahab et non pas obligatoire. Et pour finir, al-hadith al-thani ashar, ba'd al-mi'ah. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. Donc selon les quatre, que Aïcha, et le hadith d'Aïf, afouan, kazalik, que le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dormait alors qu'il était junub, en janaba, sans toucher d'eau. Et le hadith, il est ma'loul. On avait dit quoi dans, tu te rappelles, dans Al-Ba'if, que le thème ma'loul, en vrai, il est muntaqad. Et en gros, on dit mu'al. On dit mu'al. Après, comme les, après, c'est une chose qui a pris l'habitude dans, le, dans, dans la terminologie des savants, ils le disent, mais en vrai, ça ne se dit pas ma'loul. Car ma'loul serait ism fa'il de ma'loul. Ça serait l'ism fa'il de quel, le maf'oul de quel verbe? De alala. Il n'y a pas alala. Le fier, c'est alala. C'est comme les gens disent souvent mabrouk. Mabrouk. Ça se dit pas mabrouk. Car il n'y a pas le verbe baraka thulasi. Il y a baraka. Yubariku. Baraka, il n'y a pas. Baraka, c'est le sens de quand le fait que le chameau s'agenouille. Ça, ça n'a rien à voir. Mais dans le sens de la, avec la baraka, tu dis pas Allah yabrik ou yabruk ou yabrak. Tu dis Allah yubarik. Donc le thulathi est trois lettres, il n'existe pas. Donc, on peut pas avoir un dismaful qui vient. Par contre on dit mubarak. Ala waz mufa'al. Mais mabruk mabruk, ça n'existe pas en langue arabe. Les gens l'ont juste dit comme ils ont l'habitude d'écouter l'ismaful, ils ont dû croire qu'il y a ismaful pour dire une chose qui est bénie. Mais ça se dit pas parce qu'il n'y a pas le verbe soulati à la base. Donc en gros on dit mu'al. Que le hadith est défaillant. Et même l'illa, on avait dit deux choses. Qu'en vrai une illa, en vrai une illa, c'est une cause cachée où le hadith te paraît comme étant authentique. Et une cause cachée que le savant expert en la matière arrive à déceler pour te dire que le hadith, non. Il y a une défaillance mais tu ne la vois pas. Il faut vraiment être très kawi. Mais en apparent, tout est là. Les noms des rapporteurs, c'est tous des thika, ou peut-être des sandouks. L'isnad il est muttasil, tout, mais en fait, t'en as un, c'est pas lui. Mathalan. T'as un nom, ils sont tombés dans le nom de son père, c'est pas lui. Ainsi de suite. Ou un, on croit qu'on a, qu'il a écouté, qu'il l'a rapporté de lui, et ce hadith-là en lui-même, il l'a pas rapporté de lui. Il a entendu d'autres hadiths, mais celui-là en soi, il l'a pas entendu de lui, mathalan. Et ça, c'est vraiment faux. Comme ils ont dit, c'est, le ulama, c'est à haut niveau. Mathalan. Et même un alim, tu ne demandes pas comment il sait la illa. Tu te rappelles? On avait pris ça. C'est trop pour toi. C'est comme si demain tu vas voir un chirurgien expert qui fait une opération très épineuse, dangereuse, mathalène, et on dit, alhamdoulilah, il a été une cause, t'étais sauvé. Tu vas voir, tu dis, comment t'as fait? Ah, s'il a fait. Tu sais que son travail, il a réussi. Tu ne vas pas lui demander comment il a fait. Il va t'expliquer toutes ses études, comment il a fait. Après, l'état technique, le cerveau, la machine, tout, tu vas pas comprendre. Voilà, c'est pareil. L'ilal, on avait pris quoi? C'était qui a dit ça? C'est Ibn Medini. Il a dit, wa kahanat al-jahil. Quel kahanat al-jahil? Ça veut dire qu'en fait, la science des ilal, des défaillances cachées, pour l'ignorant, c'est comme, on va dire, de l'astrologie. Il va rien comprendre, il va se perdre. L'astrologie en soi, c'est pas permis, tu vois. Mais, ça rentre dans le sens que c'est une science, tu ne pourras pas la comprendre si tu ne l'as pas apprise. C'est tawadur. Dis pas quelqu'un, explique-moi cela. C'est comme un enfant, il vient te voir, il sait à peine faire les additions, par exemple, il te dit, ouais, explique-moi Pythagore. Tu dis, assieds-toi, mon petit. Tu dis, mon petit, assieds-toi, et apprends tes additions et des multiplications, et dans quelques années, tu en parleras. Il sait dire 1 plus 1 égale 2, il dit, c'est quoi Pythagore? Il dit, assieds-toi. Va pas trop vite. Ah, bah, oui. Chacun a son niveau. On dit pas que c'est de ta clé, mais c'est, on va dire, c'est pas ton niveau. Donc, tu peux demander une chose, tu vas pas la comprendre. Même il va te répondre, tu vas pas comprendre la réponse. Fais-lui confiance et, alhamdulillah. Il n'y a pas de rien derrière. Il n'y a pas de tromperie derrière. Si lui se trompe, un autre va réussir, inshallah. Il n'y a pas un seul savant. Inshallah. Si lui se trompe dans son ijtihad, tu en auras un autre qui va dire la bonne réponse. La religion est préservée. Taïeb. Donc on a dit à la base, l'illah, c'est une cause cachée, quand même, d'où l'isnad te paraît, en apparence te paraît correct, mais il ne l'est pas. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui on va dire, et d'autres ulama ont dit illah dans le sens que le défaut même il est apparent. À partir du moment où le hadith, par exemple, il y a une kitar, il y a une coupure entre deux rapporteurs, on va dire, c'est illah. On dit non, c'est apparent, c'est plus un illah à la base, mais aujourd'hui c'est accepté. Une belle, tasamuh. Mais en vrai, illah, ce qu'on appelle illah, c'est une chose, tu ne la vois pas comme ça. Donc il dit, mas'alatun, hukmu al-wudu'i lil-junubi izé arada al-naum. Le jugement de l'eau pour celui qui est en janaba, qui veut dormir. Il est vu dans les deux authentiques, sous l'homme de Omar, que Omar ibn Khattab, sa'ala al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, ayarkud ahaduna wa wajunub, qala n'am idha tawadda, ou fi riwaya laha, liyatawadda thumma liyanam. Wa fi riwayatin, tawadda wa akhsil zakarak thumma nam. Donc dans le Muttafaqun Ali, que Omar a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que l'un d'entre nous peut dormir alors qu'il est junoub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, s'il fait l'odo. Dans une version, qu'il fasse l'odo, ensuite qu'il dorme. Et non, encore une autre version, qu'il fasse l'odo, qu'il lève son pénis, et ensuite qu'il dorme. Il fait rapporter selon Aïcha, également dans les Sahihain. Qalat, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. Qu'elle a dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dormir alors qu'il était junoub, qu'il faisait l'odo, comme l'odo de la salat. Al-Zahiriya, qui sont Ibn Hazm, wa Daoud al-Zahiri, haoula, il voit que c'est obligatoire de faire l'odo avant de dormir, pour celui qui veut dormir. Et leur preuve, c'est le hadith de la communauté de Ibn Omar, selon Omar. Et la plupart des savants, le Jumhur, ils disent que cela est moustahab. Et c'est quoi leur preuve? Celui-ci, le hadith de Aïcha, il est faible. Et l'autre, c'est quoi? Ibn Abbas. Que le don m'a été rendu obligatoire que si je veux occuper la salat. Naam. Donc ça, c'est un hadith, tu vois, c'est des hadiths clés comme ça. Quand tu l'apprends, ça te répond à plein de questions. Plein de, un seul hadith, tu l'as appris, tu l'as compris, t'as une base, t'as un os là avec toi. L'ozo n'est obligatoire que pour la salat. C'est tout. Donc le shir, il voit que la parole du jumhur, c'est la parole qui est authentique. Ce n'est pas obligatoire, c'est mustahab. Après, il dit fa'ida, qui fut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au ghusl avant de dormir, et l'ozo, que le muslim a rapporté selon Abdullah ibn Abi Qais, qu'il a dit, qu'il a demandé à Aïcha, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment faisait-il pour la janaba? Est-ce qu'il se lavait avant de dormir ou après, en se réveillant? Et Aïcha, elle a dit les deux. Il faisait le rose des fois avant de dormir, des fois avant le fajr, quand il se réveillait. Donc le shir, il dit, donc cela démontre que les deux sont permis. Tu peux faire le rose directement après avoir fait tes rapports, si tu veux dormir, ou repousser à plus tard. Mais qui dit que le meilleur, c'est de le faire au plus vite, car dormir à la tahara, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est mustahab. Et également, surtout en hiver, il se peut qu'au matin, ça soit dur. Tu te lèves, par exemple, ma falaine, et c'est sûr qu'au matin, tu te lèves pour le fajr dans la nuit ou quoi, faire le rosl, c'est pas attrayant pour le nefs. De mettre en contact avec l'eau, c'est pas attrayant, tu vois. C'est dur pour le nefs. Donc tu regrettes, tu dis j'aurais dû le faire avant de me coucher. Quand j'étais frais, il faisait encore un peu chaud et tout ça. Ah mais là tu te rêves, quand tu te réveilles, tu sais que t'as froid, t'es fatigué, on te dit va te laver. C'est pas facile, sur le coup, surtout s'il fait froid. Donc le meilleur c'est quoi? Fais-le avant. Ou demain, le matin tu te réveilles comme ça arrive ici on n'a pas de. Comme en France. Tu te réveilles, il n'y a plus de gaz. Ah, mouchkila. Il n'y a plus de gaz. Tu te laves à l'eau froide. Et il fait froid. Ça, si tu y arrives, t'es un bâtard. C'est pas tout le monde qui arrive. Bien que ça, c'est parmi les causes de Raf Darajat, comme a parlé Omar. Mais Raf Darajat, Isbar el Rodo, al-Makari, le fait de faire l'odo, lors des moments détestables, c'est-à-dire quand il fait froid. Et là, c'est Ros, c'est même pas l'odo, on parle, c'est le Ros. Tout ton corps dans l'eau, froide. Et ça, c'est un. Également, tu t'exposes aux maladies. Tu tombes malade. Donc le meilleur, c'est du cas par cas, en fait. Et t'as des gens aussi, ça les réveille. Par exemple, lui, t'en as par exemple, il peut s'endormir comme ça, et si après il se réveille, il fait le rousse, c'est le nashat. Il est actif. Lui, c'est mieux qu'il fasse à ce moment-là. Et t'en as d'autres, s'il le fait, il va, tu vois, il va, comme on dit, il va traîner la patte. Il aura du mal. Donc on lui dit, toi, fais-le en dormir, c'est mieux. Et puis ça dépend l'été, l'hiver, l'automne, ça dépend des saisons. Puis ça dépend si t'es karaba, si c'est le gaz, pour pas te trouver avec un imprévu. Tu viens pour faire chauffer l'eau, t'as plus de gaz. Tu vois, ici on connaît ça, en France ils connaissent pas ça. En France, ils ont l'eau chaude courante. Hein? En France, c'est l'eau chaude courante. Ça n'existe pas, pas d'eau chaude. Ici, à Sanaa, on avait les ballons d'eau chaude. Même ça. On n'a pas de karaba. Comment tu fais? Karaba, il a coupé. Plus d'électricité. Il n'y a pas de coupure en France. Ici, c'est warasil. Tout le temps. Tu te lèves la nuit, tu veux chauffer de l'eau. Oh! Il n'y a pas d'électricité. Bon. Enfin, je fais au gaz. Tu allumes la flamme, juste, elle s'éteint. Tu dis, oh! Et voilà. Encore à des mèches, il faut un ours dehors, c'est du hatab. C'est-à-dire du bois ou quoi. Et même ça, quand tu vas dehors dans le froid, ah, c'est pas facile. Pour te dire. Mais aujourd'hui, c'est des choses que beaucoup de gens ont oubliées, parce qu'ils ont un mode de vie, tu vois. Alors que dire des Sahaba, comment ils étaient avant? Il n'y avait pas de gaz à leur époque. Il n'y avait pas de chauffe-eau à leur époque. Et le froid, il était froid, le matin. Comment ils faisaient faire chauffer l'eau? Sûrement au feu de bois. S'il avait chauffé, ce que tu en as, c'était Ramabadik, c'était des dirigelles. C'était Bismillah, l'eau directe. Non. Ou quand tu partais en conquête, t'allumes pas un feu, arrête, t'as l'ennemi qui est pas loin de toi. T'es en Jenab, ça n'a pas un rêve. Comment tu fais? T'as y a boum, si vraiment tu crains pour toi de tomber malade, sinon c'est l'eau froide, froide, froide. Ah, mais aujourd'hui, on est des petites natures, ça, y a une photo. Mais bon. Ma fomel mas'ala. T'as y a donc, le premier mas'ala qu'on a appris, c'est le fait de pouvoir citer le Coran en étant junoub ou en étant en état de hadith asrar. On peut rester le Coran. Après, on a dit quoi? Le fait de celui qui veut avoir des rapports une deuxième fois ou quoi, que le meilleur c'est de faire le dos entre les deux. Ça rend plus actif, ça rend mieux en forme. Mais c'est pas obligatoire, c'est mustahab. Et qu'il y a également le rousse, il peut faire le rousse aussi s'il veut. Amen. Et troisième mas'ala qu'on a appris, troisième hadith du Ders, le fait de dormir en étant junoub, que c'est permis. Que tu fasses le rousse plus tard en te réveillant. Et le mustahab, c'est faire l'odo au minimum. Et même tu fais pas l'odo, c'est pareil. C'est pas obligatoire pour toi. T'as même? Fais la huna wa alhamdulillah rabbil alamin.